Le regard de l'homme sur la culpabilité et la moralité. La culpabilité est un sentiment qui vient de l'âme, on s'entend. La moralité vient de la société. Donc, pourquoi la moralité impose-t-elle une culpabilité à l'ego? C'est simple. La moralité possède, dans sa capacité d'influencer l'ego, énormément de culpabilité. Elle érige dans l'ego une façade pour que l'homme se réfléchisse et qu'il réfléchisse la société afin qu'il se donne une ligne de conduite de bien ou de mal. La culpabilité étant donc l'incapacité d'un ego de voir que la vie se situe en dehors du bien et du mal, mais qu'elle se situe bel et bien dans son regard à lui en tant que personne libre sur la forme. La culpabilité est donc une mémoire enregistrée dans l'ego au cours des passages de sa vie sur la terre en lien avec la société qui, selon l'époque, imposait une moralité à l'ego pour le faire agir d'une certaine manière. Il est difficile pour un homme de se sortir de la culpabilité ou d'une femme parce que celle-ci engendre énormément dans le mental inférieur d'une personne de la réflexion invasive. Et cette réflexion est invasive parce qu'elle ne permet pas au double de la personne de se manifester. C'est alors que la personne traite avec des formes pensées qui l'obligent à se réfléchir. Quelles sont ces formes pensées-là? Elles sont souvent liées à du doute, à de l'incertitude et aussi à une certaine forme de complaisance de l'ego en lien avec le découragement. Soit que l'ego a de la difficulté à se ressortir de la vie s'il n'est pas capable d'être froid devant elle. Et pour être froid devant elle, il ne doit donner au bien et au mal aucune possibilité. Et cela est difficile et peut décourager l'ego, car la nature du bien et du mal impose énormément de contraintes à une personne en lien avec ce qu'elle vit. Car si une personne a un lourd passé à supporter, cela est bien souvent en lien avec l'absence de capacité de sa conscience de se libérer de la forme et de se dire « Oui, j'ai vécu le viol, mais je n'ai pas à payer un prix du viol sur ma vie si en tant que conscience je suis capable de voir que c'était une expérience d'âme et que pour me libérer de cette expérience d'âme-là, je dois élever ma conscience et mon mental à l'extérieur de la moralité du bien et du mal. » La moralité est depuis toujours liée aux mœurs et aux coutumes des peuples. Elle a fait grandir certaines attentes face à l'ego, et l'ego qui ne s'y complaît pas ou qui ne répond pas aux besoins urgents de sa société en lien avec le besoin de faire continuer la tradition. Cet ego s'amène donc en opposition à ces mœurs qui, dans une société limitative, ne lui permettront jamais de pouvoir repenser lui-même sa vie. Et lorsque l'ego ne peut pas repenser lui-même sa vie, la moralité a préséance et lui impose soit le bien ou le mal. La culpabilité vient donc du fait que l'ego se réfléchit dans ce bien et ce mal-là et donne une valeur à ce qu'il a vécu, qui est toujours en lien avec ce que la société a établi comme loi involutive pour que l'ego ne puisse pas se sortir lui-même et seul de ce qu'il vit en étant totalement froid et en comprenant que ce qu'il a vécu était une nécessité qui un jour doit ajuster sa sensibilité dans un regard différent sur la vie. Ce qui brime davantage l'ego dans la culpabilité, c'est la crainte de ne pouvoir jamais se sortir de ce qu'il a vécu seul. Et c'est pour cela que les psychologues sont utiles, parce qu'ils permettent aux personnes de se réfléchir et de voir, dans une certaine limite, qu'ils ont été prisonniers d'une façon de voir la vie qui les a empêchés d'être libres. Mais lorsque le regard n'est pas amené plus haut que la réalité psychologique, la psyché de la personne demeure très liée à la culpabilité parce qu'il y a souvent des entités qui, au cours du processus d'intégration de la pensée réfléchie et de l'expérience vécue qui auront mainmise sur les pensées que la personne aura d'elle-même. En lien avec le bien et le mal, la moralité est donc une source puissante de doute pour nourrir l'ego à la réalité qu'il n'a pas la capacité d'inverser lui-même ce qu'il vit, parce que cela voudrait dire qu'en tout temps, il devrait s'en remettre simplement à lui-même pour établir ce qui est le bien ou le mal pour lui. Et lorsque l'ego comprend que le bien et le mal n'existent vraiment pas à l'intérieur de lui-même, parce qu'il est capable de transiger avec la forme et la vie qu'il a vécue d'une manière froide ou dans un processus lent de froideur, il peut comprendre, cet ego, que ce qu'il a vécu était nécessaire à la capacité de son âme à intégrer davantage de densité dans la matière pour que l'ego puisse un jour souffrir de ce qu'il vit en lien avec des expériences karmiques qui nécessairement vont l'amener à être intelligent pour le sortir éventuellement de la culpabilité, du doute ou de toute autre forme de sentiment à l'égard de lui-même qui l'auront amené lui-même à se rejeter en tant qu'être libre pour vivre sa vie. Il est difficile pour un ego de comprendre que la culpabilité ne l'amène jamais à de l'intelligence. Mais est-ce qu'un ego peut vraiment se libérer de quelque chose s'il ne comprend pas, d'abord, que les forces de vie en lien avec la conscience de l'homme sont définitivement associées à des craintes qu'il doit vivre pour qu'il ne se débarrasse pas, finalement, de cette culpabilité, parce que cela sert énormément à faire évoluer son ego vers une absence totale de réflexion. La culpabilité vient toujours de la réflexion parce que l'ego donne une valeur à quelque chose sans pouvoir voir de loin que la forme qui vient à sa conscience peut être une forme de manipulation imposée par son double ou imposée tout simplement par l'âme pour l'amener à voir comment il va se débrouiller avec une réalité vécue. Et nécessairement, si vous avez de la culpabilité en lien avec le fait que vous n'avez pas commis un geste que vous deviez commettre dans le passé, c'est certain que les images et les mémoires qui vont lier ce geste à ce que vous avez vécu seront d'autant plus fortes, parce qu'elles seront supportées par le noyau de l'âme qui, elle, est un noyau incessant qui gravite autour du monde de la mort, et le monde de la mort, étant imprégné d'entité, va tout simplement envahir votre mental de contraintes évolutives afin que vous soyez et que vous ne sachiez pas d'où vous venez. En ne sachant pas d'où vous venez, vous ne pouvez pas faire exploser en vous les mensonges qui se présentent parce que vous n'êtes pas en mesure d'explorer avec neutralité ce que vous vivez en lien avec votre vie personnelle, que ce soit par la culpabilité, le doute, le regret ou le rejet. L'ego qui se dissocie tranquillement de la culpabilité apprend à reconnaître que dans la pensée, il y a de la manipulation. Et la manipulation est toujours en lien avec une capacité de faire réfléchir l'ego sur ce qu'il a vécu d'une manière négative, on s'entend. Lorsque l'ego est capable, par contre, de saisir que ce qu'il a vécu peut être lié à de la culpabilité, il fait rapidement la constatation suivante, soit qu'on l'amène à penser d'une certaine manière pour le limiter dans sa liberté, et deuxièmement, qu'on le soumet davantage à un taux vibratoire moindre afin qu'il ne soit pas capable de se placer en autorité avec la forme qu'il a vécue. Une autorité neutre voudrait dire, par exemple, que l'ego sait que ce qu'il a vécu était déjà planifié et amené dans sa vie afin qu'il dépasse des craintes. Ces craintes peuvent être facilement le bien ou le mal de tout simplement quitter sa famille et vivre sa vie seule en sachant qu'une âme qui vous a peut-être abusé n'est pas nécessairement coupable d'avoir commis un geste sur vous en lien avec la capacité qu'elle ne savait pas elle-même qu'elle était manipulée. C'est donc vous qui aurez à faire le travail pour la personne, car même si l'autre personne peut vivre de la culpabilité à votre égard, vous pouvez aussi savoir que ce que l'autre vit ne vous appartient pas. Et que si vous êtes en mesure de libérer en vous l'espace de la culpabilité que vous vivez en lien avec une expérience, vous n'avez pas nécessairement non plus à communiquer cette réalité-là à la personne qui aura pu vous abuser. Pourquoi? Parce que si vous créez davantage de karma avec ceux qui vivent déjà de la culpabilité de vous avoir fait quelque chose et qu'ils n'ont pas la conscience et l'intelligence de saisir que le bien et le mal n'existent pas dans une conscience, il est assuré que vous allez créer davantage de souffrance chez ces gens parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aller là où vous devez aller. Très peu de gens se libèrent dans une vie de la culpabilité pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas l'autorité de se dresser contre le bien et le mal et la moralité d'une façon neutre. Pour se libérer de toute culpabilité, il faut être neutre et froid. La moralité est tout ce qui est chaud, car le bien et le mal font en sorte qu'on divise dans l'homme sa conscience. C'est une polarité très puissante, le bien et le mal, parce qu'elle peut amener une personne à donner des valeurs X à telle expérience, alors qu'une autre personne donnera des valeurs Y à une telle expérience. Mais les valeurs X et Y ne sont pas nécessairement des bonnes valeurs pour amener l'ego à être froid et neutre, parce que l'ego doit rejoindre dans le flux des deux valeurs qu'il a données, dans le bien et le mal, une neutralité objective. Ce qui voudrait dire, oui, j'ai été abusé pour X raisons, mais j'ai aussi transcendé telle réalité de mon âme en relation avec telle valeur Y dans ma vie. Essentiellement, il ne faut jamais donner de polarité à une réalité parce que c'est cela, enfin, qui donne à l'ego la puissance de se réfléchir sur sa vie. Et lorsque l'ego se réfléchit sur sa vie, il valse entre le X et le Y et il n'est pas capable de se donner de valeur plus haute que le X et Y pour en arriver à une valeur totalement froide, qui serait par exemple celle-ci. L'âme ne comprendra jamais rien à la vie et c'est à vous, en tant qu'esprit, d'expliquer à l'âme pourquoi vous avez vécu ou vous deviez vivre une telle réalité dans votre vie en lien avec le développement de votre conscience. À ce moment, c'est donc l'ego qui éduque l'âme de la vie et non l'âme qui impose à l'ego ses sensations, ses pénalités ou ses discours invasifs pour le ramener à la mortalité de sa conscience en lien avec souvent des entités qui voudront se greffer à ce qu'elle veut amener comme valeur pour puissamment abolir dans l'homme sa capacité de se réveiller et de dévoiler enfin le mensonge cosmique qu'il habite en lien avec tout ce que l'ego n'a pas compris dans le passé. Pour qu'un ego puisse se libérer de son passé, il faut nécessairement qu'il adresse la culpabilité d'une bonne façon. La bonne façon est tout simplement le rythme dans lequel l'ego est capable d'étudier ses craintes pour se libérer des formes qui l'auront amené à penser d'une certaine manière. Si une personne quitte son emploi et qu'elle n'en trouve pas une autre par la suite, elle peut facilement vivre de la culpabilité pensant que la décision qu'elle a prise ne l'amène pas nécessairement à avoir un meilleur emploi. Alors qu'en fait, si elle regarde le fait d'avoir quitté son emploi et qu'elle ne se discrédite pas, elle va tout simplement dire « Je ne pouvais plus être à cet emploi-là et j'ai pris la décision de m'amener vers un nouveau chemin. C'est à moi maintenant de regarder le nouveau chemin et de me dire tout simplement que ce nouveau chemin-là, il était inévitable au niveau de ma conscience parce que j'avais décidé déjà que je voulais être libre à quelque part de l'emploi précédent que j'avais qui ne me satisfaisait plus. » À ce moment, l'ego est libre de la culpabilité et il peut exiger des forces de la lumière de lui présenter un nouvel emploi correspondant exactement au bien réel de sa conscience en lien avec sa capacité de savoir que son besoin réel doit être rencontré parce qu'il est exempt de culpabilité devant la forme. Et cela est difficile pour l'ego car le vide qu'une personne puisse vivre en lien avec sa vie sera toujours une source incontournable ou intarissable de culpabilité s'il n'est pas capable de voir que sa vie, en fin de compte, ne lui appartient pas au niveau des décisions qui pourraient lui permettre d'être libre, mais lui permettre suffisamment, dans les décisions qu'il prend, de tout simplement accéder dans sa conscience à des valeurs qui ne le réfléchissent pas. Pour ne pas se réfléchir, l'ego doit pouvoir affirmer dans sa conscience ses propres valeurs. Et si ces valeurs sont en lien avec le bien et la moralité du mal, il doit le savoir. Il doit regarder attentivement comment il donne à une valeur une autorité, alors que celle-ci peut puissamment lui enlever de la liberté. Les décisions que l'on prend ne nous amèneront pas toujours à avoir une réponse définitive sur la vie. Et c'est à ce moment qu'il faut prendre une autre décision pour s'amender de toute possibilité que la culpabilité entre en soi. Et aussitôt que l'ego ne peut pas décider que ce qu'il vit est une réalité qui peut l'amener à une décision X ou Y par la suite, il ne peut pas, cet ego, s'il n'est pas capable de voir qu'il y a toujours plusieurs décisions à prendre dans une vie, se libérer de la culpabilité. La culpabilité est toujours un manque de décision que l'ego ne peut pas prendre en lien avec la réalité que tout ce qui tourne autour d'une conscience est toujours abusif en lien avec le plan de la mort pour arracher à l'ego son propre énergie de décider. Et si l'ego ne peut pas décider, qui décide donc à sa place? C'est nécessairement ses insécurités qui décident à sa place en lien avec les valeurs morales du bien et du mal. La moralité de la société impose une façon à l'ego de voir pour que l'homme se libère de ses valeurs de vie qui sont mensongères. Il doit nécessairement comprendre que la société ne pourra jamais pour lui régler ce qui ne va pas en lui. Et individuellement, lorsque l'ego commence à comprendre que tout ce que la société peut tenter pour le déculpabiliser ne le mène que davantage à de la culpabilité, car celle-ci est faite sur un système de justice et d'égalité. Et l'égalité et la justice sont de mauvais partenaires pour se déculpabiliser d'une réalité parce qu'elle impose toujours qu'il y a eu un bien et qu'il y a eu un mal. Dans la justice, il y a toujours ce besoin de trouver le centre. Mais jamais dans la justice, on comprend aussi qu'une âme n'est pas supposément intelligente en lien avec la vie et c'est pour cela qu'elle ne pourra jamais se libérer de ses craintes si l'âme reste toujours prisonnière de l'impression qu'il y a un bon chemin et qu'il y a un mauvais chemin à suivre dans sa vie. Le principe d'égalité est le même en lien avec le mensonge, soit qu'il impose à une conscience de penser qu'elle doit être rendue là où elle n'est pas rendue. Il y a des gens et des consciences qui peuvent comprendre des réalités, et il y en a d'autres qui ne peuvent pas comprendre certaines réalités, et c'est pour cela qu'ils doivent vivre de la culpabilité afin qu'ils souffrent encore de l'expérience. Lorsqu'on parle de la vie et qu'on le regarde au niveau de l'âme, il est assuré que la capacité de l'ego à se dégager de l'information qu'on veut lui faire vivre en lien avec la culpabilité va l'amener à grandir dans sa conscience des formes. Et ces formes sont nécessairement en lien avec des valeurs qu'elle aura données dans le passé à sa vie ou aussi en lien avec l'historique de sa conscience pour nourrir dans celle-ci certaines traditions et certaines mœurs. Ainsi, des consciences qui n'ont pas été averties que la pensée venait d'ailleurs seront toujours soumises à l'improbabilité de pouvoir un jour quitter le monde de l'âme. Car l'âme est une totale opposition à l'esprit, elle assure dans l'ego que les traditions demeurent parce que celles-ci ne peuvent pas être remplacées par de l'intelligence, parce qu'il n'y a pas dans cette intelligence suffisamment de liberté pour s'élever contre le bien et le mal et simplement voir que le bien et le mal est une manière fondée de l'occulte et de l'invisible d'imposer sur l'ego des sanctions en lien avec son incapacité à être intelligent, tout simplement parce qu'il n'a pas compris que ce qui venait de sa conscience devait être plus grand que tout ce qui venait de l'extérieur de sa conscience. Les forces involutives ont amené la culpabilité sur la terre de la même façon que le rejet, le doute et la honte, parce que l'ego n'a jamais compris dans sa conscience que tout ce qui venait de l'extérieur était simplement un mensonge et qu'il pouvait d'aucune façon, dans ce mensonge, être lui-même parce qu'on lui imposait dans une réflexion très profonde la culpabilité de ne jamais savoir d'où il venait. Et quand l'homme ne sait pas d'où il vient et où il doit aller en tant que conscience pour se libérer de ses craintes, il est assuré qu'il va donner des valeurs à sa vie qui vont certainement le sécuriser dans son ego, mais qui n'auront pas la capacité de l'élever dans son mental contre le bien et le mal pour tout simplement comprendre que toute forme de vie imposée à sa conscience venant de l'extérieur est une vulgaire représentation de la noirceur qui le lie au monde de la mort afin qu'il n'étudie jamais ses craintes d'une manière objective ou encore qu'il n'étudie jamais ce qu'il a vécu d'une façon totalement détachée et neutre pour interpeller dans sa conscience la réalité incessante qu'un jour l'homme doit naître en esprit et dire tout simplement à son ego « Je te tiens à l'œil parce que je sais qu'à quelque part, tu essaieras de me passer de la culpabilité pour simplement me faire comprendre que ce que je vis n'est pas réel. » Lorsque l'ego n'est pas averti de cette réalité-là parce qu'il est encore sous les lois de l'âme, il est assuré qu'un ego non conscient de son lien avec la vie de l'âme mène toujours à de la culpabilité. La moralité provient du fait que l'homme n'a jamais connu les lois de la vie. S'il avait connu les lois de la vie, il se serait libéré du libre arbitre en pensant que ce qu'il a fait ou ce qu'il dit dans sa conscience est nécessairement le bien ou le mal. Une personne peut très bien s'exprimer sur l'avortement et voir que l'avortement a un bien fondé qui permet à une conscience de se libérer de ses craintes, alors que d'autres personnes qui fondent leur conscience sur la moralité du bien ou du mal y verront simplement le mal parce que cela les unit à une capacité de renier en eux la libération de leur conscience. Lorsque l'ego ne peut pas voir la libération de sa conscience en lien avec l'avortement, c'est naturellement parce qu'il ne peut pas voir la liberté que cela lui offrirait de pouvoir être neutre en lien avec le fait qu'une âme qui descend dans un corps matériel n'est pas nécessairement une âme intelligente. Les lois de la vie étant donc celles-ci, elles doivent permettre à l'ego de voir que tout ce qu'il vit n'est pas nécessairement intelligent si lui n'a pas autorité sur ce qu'il vit. Et lorsque l'ego peut arriver à comprendre que ce qu'il vit a une grande résonance sur sa conscience, il peut aussi établir que ce qu'il vit n'est pas nécessairement intelligent dans la mesure qu'il est capable de définir dans son temps et son moment de vie la capacité d'une grande puissance vibratoire qui lui impose aucune sanction, c'est-à-dire qu'il peut parler librement et tout simplement établir dans son verbe que la culpabilité est la plus grande des contraintes de l'homme en lien avec sa conscience parce qu'elle ne le dispose jamais à se saisir de son verbe pour investiguer froidement une réalité en lien avec ce que doit vivre l'âme et ce que doit vivre l'ego afin qu'il puisse passer par le tunnel qu'on lui demande et ensuite voir la lumière parce qu'il aura d'une façon neutre été en mesure d'étudier ce qu'il a vécu sans lui donner de valeur mal ou bonne. Lorsque l'ego vit de la culpabilité, il est important qu'il se mette en autorité contre ce qu'il vit. S'il n'est pas capable de se mettre en autorité, cela veut dire qu'automatiquement, il y a une forme pensée qui le pénètre qui est suffisamment forte pour lui enlever cette autorité de contester ce qu'il vit froidement. Une réflexion avec le bien et le mal est toujours porteuse de mensonges parce qu'elle amène l'ego à penser que la façon dont il a agi était inévitable. Et tout ce que l'on vit n'est jamais inévitable parce qu'on doit vivre l'expérience pour ensuite l'étudier et l'amener à un autre niveau de conscience pour s'en libérer en tant qu'esprit. L'ego qui n'est pas capable d'avancer dans sa vie le fait rarement parce qu'il ne veut pas avancer. Il n'avance pas parce qu'il n'est pas capable de voir que ce qu'il a vécu a été imposé d'une façon ou d'une autre à sa conscience pour qu'un jour il puisse lui-même, dans sa conscience, établir que ce qu'il a vécu était déjà planifié. Lorsque l'ego peut voir que ce qu'il a vécu était déjà planifié, il s'empêche de tomber dans les pièges successants qui peuvent venir de l'âme pour lui faire avaler la réalité que ce qu'il vit n'est pas nécessairement important. Tout ce que l'on vit a une mesure d'étude en lien avec le savoir de ce que l'on vit, si c'est de la culpabilité, du doute, du regret, ou encore si la forme a été transcendée, l'ego doit le savoir. Donc, si vous regardez une de vos craintes en lien avec la culpabilité, vous verrez rapidement que cette crainte est toujours liée à l'impuissance de savoir qui vous êtes en lien avec votre vie personnelle et pourquoi vous deviez vivre telle expérience, parce que telle expérience vous est toujours cachée et voilée dans son explication jusqu'à ce que vous soyez en autorité pour débattre de celle-ci avec votre double et établir simplement que ce que vous avez vécu ne doit plus réapparaître dans votre vie parce que cela vous enlève de l'autorité et vous enlève aussi la certitude que tout ce qui vient de la vie de l'âme est nécessairement un élément déclencheur pour élever en vous la conscience vibratoire de votre ego à la réalité que l'invisible ne se pense pas. Il faut savoir ce que l'on vit et être capable de s'en détacher sans culpabilité, parce que la culpabilité est simplement un élément retardataire très puissant dans l'ego qui appartient au monde de la mort, parce que les morts savent très bien que s'ils veulent retenir une conscience à la réalité du passé, ils n'ont qu'à utiliser la réflexion de la culpabilité pour imposer à cet ego sa volonté. La moralité a été construite sur le dos de la religion et aussi sur le dos des traditions. Le bien et le mal sont simplement une interprétation de l'ego, des lois de la vie en lien avec la réalité que tout ce qui vient de l'âme est un piège pour l'ego. Et tant que l'ego ne comprend pas que la vie de l'âme a été fondée sur l'incapacité de comprendre qu'une vie matérielle n'avait pas à être vécue en lien avec la culpabilité ou en lien avec le bien et le mal, mais qu'une vie de l'âme dans la matière devait être vécue ultimement en lien avec la réalité que tout ce qui vient de l'âme est possiblement mensonge, l'ego n'a pas pu à ce moment se départir de cette infusion imposée par l'âme pour lui transmettre dans son mental l'orgueil de croire que l'ego qui se développait en lui ne devait pas un jour être plus grand que l'âme. L'âme est le royaume de la culpabilité. C'est elle qui impose depuis toujours à l'ego des valeurs de vie qui le contraignent à se réfléchir. Et lorsque l'ego est contraint à se réfléchir, il est naturellement impensable pour un homme ou une femme de penser que ce qu'elle a vécu était décidé d'avance afin qu'elle dépasse des craintes. La culpabilité a toujours comme présentation la réalité qu'on devait éviter la forme si on avait été intelligent. Alors que l'esprit présentera toujours la culpabilité comme une impression de l'ego de ne pas avoir fait la bonne chose. Et est-ce que l'ego a fait vraiment la bonne chose? L'ego fait toujours les bons choix parce qu'il doit suivre le chemin qui entre en lui avec la lumière et non l'inverse. L'ego doit arracher à la lumière ses réponses et c'est pour ça que la lumière doit entrer en lui afin qu'il s'élève lui-même dans son mental des réalités qu'il a vécues. Ce n'est pas l'esprit qui va lui dire de s'élever en intelligence. C'est l'ego dans l'homme lui-même qui va s'élever en intelligence pour exiger de son esprit que les lois de la vie en lien avec une expérience sur le fait qu'une certaine expérience a été pour elle très négligeable, mais qu'elle doit aussi lui apporter un réconfort dans le fait que nous devons savoir, en tant qu'âme ou en tant qu'ego qui se construit, quelles ont été les réalités cachées à notre conscience pour que nous ne puissions pas vivre froidement et d'une façon neutre ce que l'on a vécu par le passé. Un ego qui se libère de la culpabilité est un ego libre. Il n'a plus à transcender aucune forme parce que toutes les formes qu'il voit ou qui se présentent à lui n'appartiennent pas à la réalité du bien ou du mal. Elles ne font qu'appartenir à la réalité que la vie est un processus fusionnel d'évolution dans l'ego de l'homme lorsqu'il sait voir que les événements et les expériences qui se placent devant ses yeux ont toujours la capacité de le culpabiliser s'il ne les regarde pas froidement. Et froidement veut dire qu'il est capable de voir qu'on veut le polariser dans son mental en lien avec la réalité. Si l'homme regarde la politique mondiale, il peut penser que certains pays sont dans le bien et certains pays sont dans le mal. S'il le regarde froidement, il va tout simplement établir que tels pays sont dans l'exercice de telles craintes en lien avec le pouvoir et parce qu'ils ne savent pas à quel moment ils peuvent se libérer de ce pouvoir, ils sont incompatibles avec la réalité que ce qu'ils vivent est nécessairement une imposition qui ne permettra jamais au peuple de se libérer, eux aussi, du mandat involutif de la culpabilité en tant que peuple. L'ensemble des peuples de la terre traînent sur leur dos le fardeau de la culpabilité parce que la culpabilité a été imposée aux consciences de l'homme en lien avec le bien et le mal depuis toujours. Pour saisir que le bien et le mal n'existent pas dans une conscience, l'ego doit être capable de ceci. Intelligent dans sa volonté de s'extirper lui-même du lien astral de l'âme qui l'amènera à se réfléchir. Et plus l'ego se réfléchit, plus il donnera des valeurs à ce qu'il vit parce que c'est dans la réflexion que surgissent les entités et les pensées astrales. Lorsque l'ego ne se réfléchit pas, il demande simplement à son ego « Pourquoi est-ce que j'ai vécu une telle expérience aujourd'hui? Pourquoi telle expérience a-t-elle été présentée dans ma vie alors que j'étais très jeune? Comment se fait-il que je n'ai pas été capable de me libérer de cette forme avant telle année de ma vie? » Et lorsqu'une personne est capable de répondre à toutes ces réponses, elle est capable aussi d'étudier dans le jeu de l'esprit sa capacité de l'instruire et de l'éclairer pour le futur de sa vie. La capacité de l'esprit de l'instruire est nécessairement au niveau des lois de la vie et non de la voyance de la vie qu'il doit mener. En sachant les lois de la vie, le taux vibratoire de l'ego monte et la conscience vibratoire de l'ego en lien avec la culpabilité se désactive progressivement. Parce que l'ego peut facilement comprendre que le bien et le mal a toujours été une manière pour l'astral et l'âme de présenter à l'homme la société et les valeurs de la vie. Est-ce que ces valeurs de la vie ont été réelles pour l'homme? Pas nécessairement toujours, parce qu'elles ont contraint son ego à rester dans de l'impuissance. Et aussitôt qu'une valeur de la vie mène à de l'impuissance, l'ego est nécessairement prisonnier. Par exemple, si vous regardez l'avortement, il est nécessaire de comprendre que l'avortement est un geste intelligent en lien avec l'esprit de la personne qui peut faire cet avortement-là pour se libérer de ses craintes et non de se rendre prisonnier d'une femme pensant qu'elle a commis une erreur, d'avoir choisi de ne pas se protéger, notamment en ayant voulu explorer ce qu'elle était, elle n'a pas ensuite à se viser d'avoir exploré ce qu'elle était. Si l'homme apprenait à explorer tout ce qu'il vit, il serait davantage neutre. C'est-à-dire que pour explorer, il faut que l'ego sache qu'on peut le manipuler dans la vie. Soit que tous les événements qu'une personne peut vivre peuvent être une forme de manipulation pour l'amener à dompter en lui de l'astral ou à dompter de la crainte. Et nécessairement, lorsque la personne dompte de l'astral en elle ou dompte de la crainte, elle est obligée aussi de faire entrer en elle les lois de la vie. Les lois de la vie doivent lui expliquer qu'une âme qui vient sur la terre va revenir un jour, même si elle est avortée, parce que toute âme qui descend sur la terre veut un jour connaître la fusion avec l'ego, parce que l'ego est le seul moyen pour les âmes de les faire évoluer éventuellement à un niveau de vie qui est libre de la mort. Il est très difficile pour une âme de comprendre que la culpabilité, c'est cela qui la garde dans le pouvoir de ses craintes, parce que l'âme a toujours éprouvé le sentiment qu'elle avait accès aux lois de la vie, elle se donne comme autorité sur l'ego l'impression que ce que Une âme doit vivre sur la terre et nécessairement intelligent, parce que cela fait partie des émotions et des sentiments qu'elle doit vivre pour se sentir vivante. L'âme n'a jamais compris que tout ce qui n'est pas intelligent en lien avec le développement des autres âmes avec qui elle entre en contact est nécessairement un lien karmique qui se crée. Et c'est là que se joue la culpabilité, parce que nous avons des liens d'âme à nous libérer, et dans le karma, il y a dans le karma de la mémoire qui impose l'ego de voir sa vie d'une certaine manière, parce que dans le passé, nous n'avons pas été corrects dans une autre vie avec une personne, nous pouvons éprouver le sentiment qu'on doit quelque chose à une personne. Et lorsque l'ego comprend qu'il ne doit à personne rien, c'est là qu'il entre dans son autorité et qu'il peut le voir que la culpabilité qu'il tente de le nouer à d'autres personnes a simplement pour but de nourrir du karma pour que l'autre personne qui est en position d'autorité puisse se rassurer elle-même dans le fait que c'est vous qui étiez coupable et que c'est qu'elle est dans le bien et que vous êtes dans le mal. Il y a donc cette polarité-là qui ne pourra jamais être brisée chez l'autre, et c'est pour cela que la culpabilité doit toujours amener une personne à regarder comment elle regarde une expérience et non à se réfléchir en lien avec une expérience. Si une expérience passée vous amène dans votre conscience moins de liberté, vous devez le savoir, parce que la décision que vous aurez à prendre doit vous amener à vous libérer d'une réalité qui vous contraint à rester prisonnier ou petit devant la forme. Si vous avez quitté votre emploi, vous ne devez jamais retourner en arrière en pensant que vous avez fait un mauvais choix. Le choix que vous avez pris était celui que vous deviez prendre. Il n'est ni bon ni mauvais, il était celui qui était en lien avec votre capacité de vous libérer pour le moment d'une forme qui était devenue trop lourde ou trop dense pour vous. La culpabilité a énormément de densité parce qu'elle exige de l'ego de trouver des points ou des arguments qui pourront le défendre dans sa réflexion en lien avec le bien ou le mal. Oui, mais j'ai pris telle décision parce que je croyais. Il n'y a pas de « parce que je croyais » dans l'intelligence lorsqu'on prend une décision. Il y a simplement la froideur de dire « l'ego doit aussi être éduqué des lois de la vie ». Donc, si vous avez quitté un emploi qui ne vous amenait pas à être bien dans votre peau ou à être libre dans votre tête, vous n'avez pas par la suite à penser que cette décision-là n'était pas intelligente. Elle était intelligente parce que vous l'avez prise et vous avez décidé de la prendre, sachant très bien que par la suite, la décision que vous prenez devait mener à une autre décision. Et c'est comme cela qu'on peut vivre une vie sans culpabilité, c'est de toujours prendre une décision aussitôt qu'il y a une réflexion qui veut nous faire croire que nous n'avons pas pris la bonne décision ou encore qu'il y avait une décision meilleure à prendre. Ainsi, lorsqu'on est hors de la culpabilité, l'ego apprend à s'ajuster à la réalité que la valeur qu'il donne à sa vie est celle de se rendre libre sur le moment ou sur le temps. Tout bien et mal dans une décision est nécessairement lié à de la moralité, soit qu'elle cache une mémoire qui veut vous faire penser qu'il n'est pas normal que vous quittiez un emploi qui vous rémunère à 75 000 $ par année pour connaître le vide. Alors que la vie de l'âme se vit dans la normalité, la vie de l'ego qui se libère de ses craintes se vit toujours dans l'intemporalité qu'il y aura une décision à prendre pour s'assurer que l'âme ne revienne pas lui gâcher sa vie et lui dire qu'il a pris une mauvaise décision. L'esprit entre dans l'ego quand l'âme est tassée. Et pour que l'âme se tasse dans la culpabilité, l'esprit ne peut pas le faire pour l'homme, mais c'est l'ego dans l'homme qui exige de savoir de l'esprit pourquoi il a vécu une telle réalité. En étant informé, la décision qu'il va prendre par la suite sera davantage plus grande pour sa voyance et sa liberté, parce qu'elle le mènera un jour à la réalité suivante, que la vie est un processus infini de décisions et que tout ce que l'on vit n'est pas nécessairement intelligent, mais tout ce que l'on vit peut devenir pour soi une capacité d'être intelligent sur ce que l'on vit, parce que la vie est faite énormément de contraintes, et puisqu'elle est faite de contraintes, elle empêche l'homme de voir le soleil sur le tas afin qu'il se libère un jour de toutes ses craintes. Donc, la crainte de l'ego en lien avec la vie le mène forcément de la culpabilité s'il ne peut pas voir que tout ce qu'il vit n'a pas à être censuré. C'est-à-dire que s'il vit et s'il prend une décision qui amène un résultat X, il doit ensuite voir le résultat X comme étant un jeu des forces de la vie en lui, soit pour le libérer de certaines craintes, soit pour mettre en puissance davantage son esprit dans sa conscience, ou soit encore pour l'amener à la rébellion de sa conscience contre les forces de vie qui veulent toujours le forcer à évoluer vers de la lumière. Et lorsque l'homme sait que la lumière veut fusionner avec lui, il comprend qu'on peut lui faire vivre des choses extrêmement difficiles en lien avec des décisions qu'il prend, alors qu'en fait, les décisions qu'il a prises ne pouvaient pas être autres que celles-là. Et lorsqu'il sait que ces décisions ne pouvaient pas être autres que celles-là, c'est alors que la culpabilité s'arrête et qu'il peut inverser le processus de la crainte et toujours converser avec l'invisible pour exiger de l'invisible et de sa conscience et de la vie, des lois de la vie qui ne se réfléchissent pas. Les lois de la vie qui ne réfléchissent pas sont celles-ci. En lien avec la culpabilité, voici. La culpabilité est le mensonge de l'âme. La culpabilité est aussi une manière de manipuler l'âme dans ses craintes. La culpabilité est la surimpression des formes du monde astral pour imposer à l'ego une manière de penser. Et lorsque l'homme comprend que la culpabilité agit toujours sur lui dans la manière dont il pense la vie en lien avec le bien et le mal, il se passe dans cette conscience-là la capacité de se définir autrement. Et lorsque l'homme se définit autrement, il devient quoi? Il devient une conscience qui n'est plus manipulable parce qu'il sait que toute manipulation qui viendra à lui aura un soupçon de culpabilité, de doute, de morale ou encore de crainte. Et la crainte puissante de la culpabilité est celle d'imposer à l'ego la sanction suivante, soit qu'il ne peut pas se sortir seul de ce qu'il a vécu, parce que ce qu'il a vécu est peut-être trop grand et trop lourd à porter seul. Et cela est un mensonge, parce que l'homme peut supporter tout ce qu'il a vécu seul du moment qu'il sait que tout ce qu'il a vécu provient aussi des forces de l'esprit pour le faire évoluer vers de la lumière. Et c'est à ce moment qu'il questionne sa lumière pour connaître aussi les lois de la vie qui lui auront transmis dans son savoir la sensibilité de ne jamais plus se faire piéger pour de la culpabilité. Parce que l'ego peut exiger des réponses, il se permet dans sa conscience d'élaborer davantage quelles sont les lois de la vie qui auront pour lui une résonance vibratoire lui permettant de toujours être libre. L'homme ne veut pas avoir accès aux lois de la vie pour se libérer de ses craintes uniquement. Il veut aussi avoir accès aux lois de la vie pour édifier sa volonté sur le rayonnement de sa conscience, pour s'assurer que la voyance qu'il a de la vie ne l'amène pas à prendre des décisions aussi qui le piégeront par la suite. Donc, si vous avez à faire un mouvement pour vous trouver un nouvel appartement ou vous acheter une maison, il est naturel que les décisions que vous prenez soient liées à une voyance de ne pas avoir à faire de mauvais choix. Parce que, en étant conscient qu'il n'y a aucun mauvais choix, vous vous protégez de la réalité d'entrer dans l'expérience parce que vous savez très bien que le bon choix doit apparaître sur votre radar en lien psychiquement avec la certitude que si vous vous déplacez pour visiter une maison ou un appartement, vous en avez la capacité vibratoire tout simplement de renoncer à toute forme de vie qui vous imposerait de penser que la décision prise est la mauvaise. Dans la vie de l'âme, il y a énormément de mauvaises décisions parce que l'ego est positionné d'une manière faible envers l'invisible. Il ne peut pas questionner la réalité sur le tas parce que c'est l'âme qui impose sa vision d'une réalité. Et puisque l'ego ne comprend pas encore suffisamment que tout ce qu'il vit n'a pas à être associé à une décision mauvaise ou fausse, il n'est pas capable de se libérer de l'impression aussi que ce qu'il a vécu ne lui appartenait pas. Et tout ce que l'homme doit vivre doit un jour être revisité afin que ce qu'il donne a une valeur en lien avec ce qu'il a vécu ne puisse pas lui avoir une imposition astrale sur sa conscience et par la suite lui imposer une manière de penser. Tout ce que l'ego vit doit être étudié, car il peut y avoir dans ce que vous vivez des formes de crainte qui un jour amèneront à de la culpabilité, parce que la décision sera peut-être davantage dans 2-3 mois une décision qui vous amènera à penser que vous n'avez pas pris la bonne décision. Et c'est pour ça que dans le temps et l'espace, l'ego doit apprendre à se libérer de la culpabilité, car la culpabilité peut s'amener à tout moment pour l'amener à se réfléchir et à penser que la décision qu'il a prise jadis était la mauvaise. Et assurément, lorsque cela se produit, cela diminue automatiquement le taux vibratoire de l'homme et discrédite aussi sa sensibilité qui, elle, si elle est trop souvent malmenée par la culpabilité, ne pourra plus permettre à l'ego de savoir qui il est. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'âmes sensibles qui trébuchent sur la culpabilité parce qu'ils n'ont pas l'autorité un jour de savoir que ce qu'ils ont vécu n'était pas nécessairement un choix personnel, mais nécessairement un choix d'âme, afin que l'ego puisse, dans les yeux de l'esprit, se grandir en autorité et un jour dépasser ses craintes. Il n'y a pas de chose que l'ego vit qui soit nécessairement personnelle, et c'est le caractère personnel que l'ego donne à sa vie qui ensuite le mène à la culpabilité. Le bien et le mal n'existent pas. Le bien étant une façon de croire que Dieu ou l'invisible peut permettre dans l'homme un développement de sa conscience. Et le mal étant aussi l'invisible qui voudrait lui dicter ce qu'est le bien, pour que l'ego retrouve le chemin qui lui convient le mieux. Mais un ego qui se départage ou tout ego qui se distancie de la culpabilité saura très bien que le bien et le mal est une manière de penser qui ne le libère pas de ses craintes et qui ne le rende pas en autorité sur ce qu'il vit. Parce que plus l'homme est coupable de vivre une réalité, plus il s'enfonce dans la réflexion de penser qu'il y avait un meilleur choix qu'il aurait dû faire jadis. Et forcément, ce meilleur choix qu'il aurait pu faire jadis lui a été caché, tout pour la simple raison que l'âme devait évoluer et que l'esprit devait le pénétrer. Tout ce qui doit pénétrer l'homme un jour est la compréhension parfaite des lois de la vie et la compréhension de sa propre vie en lien avec son passé. Si une personne n'arrive pas à comprendre son passé, elle va suffisamment vivre de l'insécurité pour toujours replonger dans ses mémoires et en sortir les culpabilités vécues. Les culpabilités vécues seront, à son grand étonnement, un rappel des erreurs qu'elle croit avoir faites, alors que l'individu qui monte en conscience et qui monte dans une conscience double sait très bien qu'il ne se crée pas dans sa tête des erreurs, parce que ces erreurs-là lui ont été imposées de toute force par le noyau de l'âme qui tente et cherche à tout moyen de séduire l'homme dans son astralité. Donc, plus l'homme avance dans la compréhension de la culpabilité, plus il s'en dégage en esprit en étant très scient que ce que l'ego peut vivre dans une vie peut être abominable, mais jamais en réalité que l'ego doit demeurer stagnant et penser que ce qu'il a vécu est aussi une forme de vie qu'il doit traîner tout au cours de sa vie. L'ego doit faire le tri de ses craintes, il doit regarder pourquoi il traîne quelque chose dans sa vie et ensuite l'amender. Comment peut-il l'amender? Mais il doit voir à quel point il a donné de l'importance et des valeurs involutives à certaines réalités qui, par la suite, auront eu mainmise sur sa compréhension de ce que lui était en lien avec sa vie et sa programmation pour dépasser la vie involutive que l'âme voulait lui imposer. Lorsque l'ego est transcendant, lorsque l'ego devient scient de ses craintes et qu'il comprend que la culpabilité est un moteur propulseur s'il s'en libère, il deviendra cet ego libre dans la matière. Et il pourra composer avec l'esprit pour exiger de son double qu'on lui remette les lois de la vie et ne jamais subir, afin qu'il ne subisse jamais, toute interférence de l'astral en lien avec une expérience vécue, car toute expérience vécue par l'homme peut devenir un tombeau de culpabilité, car l'homme, tant qu'il ne traverse pas le rayonnement de la mort, il ne peut pas voir que la culpabilité est un pain de vie pour ses morts, qui, par la culpabilité, peuvent se permettre de se rapprocher de l'homme, de le chevaucher et de lui voler indirectement de sa lumière, afin qu'il ne sache pas d'où il vient et ce qu'il est.